Le mur de feu s'élève autour de moi. Je brasse ces flammes avec courage, avec grâce. Toutes les armées des ténèbres m'entourent comme des vautours. Mais jusqu'à mon dernier soupir, ils ne mourront pas. Ils veulent mon âme, ils peuvent toujours courir vu la foi que j'ai en Dieu. Je veux finir aux cieux, près de mes ancêtres aux portes du bien. Ok, je ne suis pas un saint, mais fais la différence entre le bien, le mal. Même si des fois j'ai envie de pencher vers le mal. Mais sur la balance, le bien est plus lourd. Et me retire de cette fournaise, de cette baisse, de ce four. Alors j'opte pour le bien, car je déteste le mal. Car les actes qui provoquent ne reflètent que la tolérance. Qui ne savent pas, c'est quand on m'attaque. Je deviens encore plus fort. Five in your eyes. Jette un sort, five in your eyes. Je suis encore plus fort. Five in your eyes. Et mon esprit s'apaise. Five in your eyes. Une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, une force en du commun s'installe. Il veut te perdre. Mais méfie-toi, car ces gens-là sur les épaules et le quai bien sur terre. C'était un enfant humble et sage, mais ils ont joué avec les flammes. Pour le rendre insensible, ils ont dû invoquer le diable. Loin de m'avoir regardé, ils s'espèrent m'affronter. Mais je fais confiance en Dieu, le miséricordieux. Five in your eyes. Jette un sort. Five in your eyes. Je suis encore plus fort. Five in your eyes. Et mon esprit s'apaise. Five in your eyes. Le mal s'est emparé de toutes ses brebis égarées. Poussé à utiliser l'image noire, non que cette ruse pour s'approprier ce qu'ils ne pourront jamais avoir. Seuls ceux qui ont la foi sont protégés. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière, que le mal s'abat sur les miens et sur moi. Seul Dieu est le morceau de métal sur mon cœur. La main de Fatma peut me sortir de ce mauvais pas. Éternel combat entre le bien et le mal. Sortir indemne est ma seule préoccupation. Je suis dans le feu de l'action. Le mauvais œil est sur moi, je brandis mes mains vers le ciel. Je sens mes forces décuplées face à ce mauvais œil. Je n'ai qu'une seule formule, Hamza fi aynek. Qu'une seule formule. Five in your eyes. Jette un sort. Five in your eyes. Je suis encore plus fort. Five in your eyes. Et mon esprit s'apaise. Five in your eyes. Les esprits du mal ont peur de nous. Les sortilèges, les maléfices qui jetteront sur nous n'est qu'une faible souffrance comparée à la force divine, celle de Dieu. Le miséricordieux qui ne pardonnera point si nous avons douté de sa foi. Le jour du jugement dernier fera régner ses lois. Les sentences prononcées pour ceux qui ont pratiqué les magies noires sur terre les enverra périr en enfer. Une punition juste qu'ils regretteront toute leur seconde vie, car ils deviendront des apôtres du